J'prends les virages comme un traficanté. J'm'arrête à Mijas ou Alicante. La petite veut nous voir, veut savoir qui on est. Comme la PST, elle tourne au quartier. J'prends les virages comme un traficanté. J'm'arrête à Mijas ou Alicante.